Après parti, tu reviendras au Carlotti. Cheveux aux grands yeux de velours, idole des femmes depuis toujours. Oh, prince de l'amour, oh, Carlito, sois de retour. Carlotti, Carlito, dans tous les sens, tu es si beau. Tu brises les cœurs par un sourire, sans le vouloir, tu fais souffrir. Point de Kleenex, telle une flèche, tu sors ton sexe. On joue les mondes, lui ne le sait. Est-il vraiment ce qu'il paraît? Qu'importe pour nous, nous ses amis, nous les montants, notre Carlotti. Carlotti, Carlito, dans tous les sens, tu es si beau. Les cognes.